1er janvier, la sonde New Horizons survolait l'astre le plus lointain de notre système solaire, jamais survolé par un instrument de fabrication humaine. Ultima Thule, un drôle d'objet en forme de bonhomme de neige rougeâtre, d'une trentaine de kilomètres de longueur et qui orbite autour du Soleil en près de 300 ans. Ultima Thule, comme Pluton, désormais rétrogradé au rang de planète naine, ou plus récemment Far Out, une planète naine encore plus lointaine, font partie des objets transneptuniens, et plus précisément de la ceinture de Kuiper, cette vaste ceinture aux confins de notre système, sorte de fossile de sa formation. Ultima Thule, Far Out, Kuiper gagne, c'est le programme lointain qui va nous occuper dans l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique. Et pour évoquer ces confins du monde ou du système connu, nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Antela Barbucci. Bonjour. Bonjour. Vous êtes astrophysicienne au LESIA, le laboratoire d'études spatiales et d'instrumentation en astrophysique à l'Observatoire de Paris. Et nous sommes en duplex depuis les locaux de nos camarades de France Bleu Azur à Nice avec Alessandro Morbidelli. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur de recherche CNRS au laboratoire Joseph-Louis Lagrange à l'Observatoire Nice Côte d'Azur. Vous pouvez suivre, comme chaque jour, cette émission en direct sur France Culture, en replay sur franceculture.fr, en podcast via votre application préférée et en parallèle, en complément via Twitter sur notre fil Twitter, @lamethodefc. Alors pour commencer, bien c'est une date que certains astronomes amateurs ou professionnels d'ailleurs marquent d'une pierre noire. C'est pourtant une date importante dans l'histoire de la compréhension de notre système solaire. Le 24 août 2006, l'Union astronomique internationale tranche, Pluton est déchu de son statut de planète. On avait découvert dans les années précédentes des planètes qui ressemblaient à Pluton, donc fallait faire un choix, fallait soit intégrer ces nouvelles planètes dans la liste des planètes classiques du système solaire, soit enlever la planète Pluton qui était un petit peu à part dans la liste des planètes. C'est quelque chose qui arrive relativement souvent. Bon là, comme c'est une planète, c'est quelque chose qui frappe un peu plus l'opinion publique, mais très souvent dans les astéroïdes, on trouve un corps dans le système solaire, on pense que c'est un astéroïde, et puis des fois quelques semaines ou quelques mois plus tard, on s'aperçoit que l'astéroïde, il se met à dégazer, puis alors il perd son statut d'astéroïde, puis il devient une comète. La science, c'est pas figé, c'est quelque chose qui évolue, et le terme planète a évolué au cours des âges. Hein. C'est une question de classification, hein, c'est savoir dans quelle boîte on classe les objets, et bon, bah là, il y a un objet qui était plus dans la bonne boîte, disons. Ça n'enlève rien à l'histoire, hein, je veux dire simplement, bah ça va être, on va dénommer cet objet autrement. Antonella Barucci. Oui, cette histoire fait beaucoup de bruit, surtout vers notre collègue américain, parce que c'était les seules planètes découvertes par les Américains. Et donc, c'était la catastrophe. On ne pouvait pas lui enlever cette découverte. Mais en réalité, comme nous a bien dit notre collègue, un objet qui fait partie d'un ensemble de populations qui ont la même propriété, la même dynamique, les mêmes caractéristiques physiques, il ne pouvait plus être en planète. Donc, avec la découverte des objets transneptuniens, on a déclassé Pluton à un objet transneptunien. Alessandro Morbidelli, oui, disons que c'est aussi depuis la fin des années 90, début des années 2000, qu'on commence à découvrir tout cet univers qui est aux confins de ce qui est aujourd'hui la dernière planète, Neptune, qui est aux confins de notre système solaire et qu'on commence à comprendre son organisation aussi. Oui, tout à fait. À partir de 1992, on a commencé à découvrir d'autres objets qui se trouvent au-delà de Neptune, à part Pluton. Et donc, on a commencé à mettre en évidence l'existence d'une ceinture de petits corps qui avait été prédite par des modèles de formation du système solaire, notamment par Kuiper, dont les noms ceinture de Kuiper. Et au départ, les objets découverts étaient relativement petits par rapport à Pluton, quelques centaines de kilomètres. Mais très rapidement, on a commencé à découvrir des gros objets. Et puis, vers l'année 2000, je ne sais plus exactement, un objet même plus gros que Pluton, Eris, a été découvert par les collègues du Caltech. En 2005. Et du coup, c'était 2005, voilà. Hein, merci. Et donc, du coup, c'était clair que Pluton n'avait pas un statut exceptionnel. Donc, il faut dire que quand Pluton a été découvert, on avait estimé sa masse être 3 masses terrestres. Aujourd'hui, on sait la vraie masse de Pluton, c'est 1/10 de la masse de la Lune. Donc, les choses ont beaucoup évolué avec des mesures, bien sûr. Et donc, au départ, évidemment, quand on mesurait une masse des trois, on croyait mesurer une masse des trois masses terrestres. Évidemment, Pluton était une planète. Mais maintenant qu'on sait que sa masse réelle est 1/10 de la masse de la Lune, il n'y a vraiment aucune raison de la considérer comme planète. Les planètes, c'est quelque chose de plus grand, qu'influence tous les objets qui se trouvent au voisinage. Pluton se trouve enfoui de la ceinture de Kuiper et perturbe en rien les autres objets de la ceinture de Kuiper. Donc, il n'a vraiment pas les caractéristiques des planètes. C'est ça, le déterminant, ce qui a fait basculer le choix de l'association, de l'Union Astronomique Internationale, c'est que Pluton n'a pas fait le ménage autour d'elle. Voilà, mais c'est ça essentiellement les problèmes, parce qu'en réalité, comment on peut classifier un objet, une planète, un astéroïde, une comète? En réalité, on ne connaît pas les dimensions tout de suite. On l'observe, on voit ses caractéristiques, l'orbite essentiellement, on commence à avoir des idées sur la dynamique, mais on n'a qu'une idée sur les dimensions et sur la masse. Donc, c'était très difficile. Arriver à une limite des dimensions, parce que Pluton, c'est 2500 km, jusqu'à quel kilomètre on va donner la définition des planètes, non? Donc l'idée, c'est vraiment d'un objet qui fait des vides autour de lui-même et qui fait un système, comme dans les cas des planètes avec ses satellites. Alors, aussi, les problèmes d'avoir des satellites, ça posait des problèmes, parce que beaucoup des objets transneptuniens et beaucoup des astéroïdes aussi des satellites. Donc, c'est vraiment faire un vide dans une position du système solaire assez claire, avec un ensemble des objets autour. Et alors, un mot, puisque c'était aussi le point de départ de cette émission, de ce survol par New Horizon d'Ultima Thule, qui est l'objet le plus lointain qui ait jamais été survolé par une sonde humaine, Alessandro Morbidelli. On a vu un objet un peu particulier, on dit en forme de bonhomme de neige, bon, pour touristes, en forme de canard. Enfin, qu'est-ce que ça nous a appris de cette ceinture de Kuiper et qu'est-ce que vous avez retenu, vous, de ce survol, en sachant qu'on a encore très peu de données, hein, que les données arrivent très, très, très lentement parce qu'on est très loin et que, bah, il faut le temps que ça arrive jusqu'à la Terre. Oui, on a encore très peu de données, mais déjà les premières images étaient formidables. Donc, ils montraient que Ultima Thule, en fait, c'est un ensemble de deux objets en contact. C'est ce qu'on appelle une binaire en contact. Et ça, c'est super, c'est extraordinaire. En fait, Ultima Thule fait partie d'une composante de la ceinture de Kuiper qu'on appelle la ceinture froide. Et on pense que dans la ceinture froide, le seul endroit du système solaire où on peut voir les planétésimaux, donc les premiers objets qui se sont formés dans les systèmes solaires, intacts, tels qu'ils se sont formés. Ailleurs, dans la ceinture des astéroïdes, dans les autres composantes de la ceinture de Kuiper, les objets ont été tellement perturbés par les rencontres avec les planètes et par les collisions, qu'on ne voit pas vraiment les formes originelles de l'accrétion. Mais dans la ceinture froide, on a vraiment les planétésimaux tels qu'ils se sont formés. Et là, qu'est-ce qu'on voit? Une binaire en contact. Alors, les modèles plus récents de formation des planétésimaux prédisent que les planétésimaux se forment comme des binaires, voire des systèmes multiples, avec plusieurs lunes. Et ensuite, les forces des marées peuvent faire évoluer ces lunes et les ramener en contact l'une par rapport à l'autre. Et on savait déjà, par des surveys télescopiques, qu'environ la moitié des objets de la ceinture de Kuiper froide étaient des binaires, donc là, avec une lune qui tournait autour du corps primaire. On ne savait pas trop l'autre moitié. Là, on va regarder de près un objet qui fait partie de l'autre moitié, parce qu'il n'a pas vraiment une lune proprement parlée qui orbite autour. Et qu'est-ce qu'on voit? Une binaire en contact. Donc, ça supporte l'idée que les objets se forment comme des objets binaires ou des objets multiples. Et ensuite, l'évolution peut amener à conserver la binaire ou ramener les deux objets ensemble en contact ou voire perdre le satellite. Antonella Barucci. Oui, en réalité, si on veut vraiment remonter à la source, ces objets se forment par accrétion. Donc, de la matière, de la poussière, du gaz qui arrive à s'accréter ensemble et former quelque chose qu'on appelle les planétésimaux, qui sont de quelques centimètres, quelques mètres, etc., jusqu'après arriver à ce type d'évolution. Donc, d'un point de vue dynamique, c'est très important parce qu'ils sont des objets vraiment les plus primitifs. Mais bien sûr, aussi, cet objet, ils subissent aussi de l'altération sur la surface due au rayonnement cosmique, à tous des effets qui sont dans l'espace. Mais quand même, on peut les considérer vraiment les réservoirs des objets les plus primitifs de nos systèmes solaires. La méthode scientifique, Nicolas Martin. À 16h10, nous parlons donc de ce réservoir d'objets primitifs du système solaire qu'est la ceinture de Kuiper. Nous en parlons avec Antonella Barucci qui est ici avec nous à la maison de la radio et avec Alessandro Morbidelli qui est en duplex depuis les locaux de France Bleu Azur à Nice. Alors, cette ceinture de Kuiper, on commence maintenant à en dénombrer un certain nombre d'objets, plus d'un millier, 1 300 à peu près, je parle sous votre contrôle, objets qu'on a à peu près identifiés. Quelque chose de cet ordre, chose, voilà. Et ça change tous les jours. Et du coup, à partir de quel moment on comprend qu'il y a, au bout de ce système planétaire, cette ceinture, Alessandro Morbidelli, cette ceinture de petits corps qui vont de la taille de planètes naines jusqu'à des corps vraiment minuscules comme Ultima Thule. Alors, l'existence de cette ceinture avait été prédite par plusieurs arguments, hein, disons l'argument originel de Kuiper, qu'il n'y a aucune raison que le système solaire termine brutalement avec une planète. Si on a été capable de former une grosse planète comme Neptune, sans doute il doit y avoir de la matière plus loin, qui n'a pas fait de très grosses planètes, mais doit avoir fait des petits corps. Donc il a postulé l'existence d'une ceinture. D'autres modèles de formation planétaire un peu plus sophistiqués aussi avaient prédit qu'il existait des objets, des reliques hein, de la formation planétaire plus loin au-delà de Neptune. Et puis les flux des comètes. Les flux des comètes a suggéré depuis les années 80 qu'au-delà de Neptune devait y avoir un disque des petits objets qui étaient les réservoirs de tous ces comètes à courte période qu'on voit venir vers nous. Et c'est seulement en 1992 qu'on a découvert les premiers objets. Mais donc, les gens cherchaient ces objets activement parce que la ceinture avait été prédite et il fallait confirmer ou infirmer son existence. Donc, il y avait eu une véritable campagne de recherche. Et en 1992, avec les nouvelles techniques, les images CCD sur les télescopes qui permettent d'être beaucoup plus efficaces que les anciennes plaques photo, Jewitt et Lou découvrent les premiers objets sur une orbite tout à fait attendue, une quarantaine d'unités astronomiques, une orbite circulaire sur les du système solaire. Et de là, ça a démarré. Ça a démarré avec la découverte des centaines d'objets, voire même maintenant, on dépasse les milliers d'objets. Certains objets sont vus après perdus, d'autres objets sont vus et revus, et donc on peut calculer précisément leurs orbites. Et donc, il y a toute une image de la ceinture de Kuiper, des distributions orbitales qui émergeaient, qui est extraordinaire, et qui, cela n'avait pas été prédite du tout. Donc on s'attendait de voir une population d'objets sur des orbites pratiquement circulaires et coplanaires, parce qu'on pense que les objets se sont formés sur ces types d'orbites. C'est-à-dire comme pas sur les tout. Planètes du système solaire. Ouais. Voilà, ouais, c'est-à-dire ouais. Au même niveau, sur la même... Les planètes. Oui, voilà, exactement. Et pas du tout, on voit que dans la ceinture de Kuiper, il y a en gros 4 populations qui se superposent, et certaines de ces populations ont des orbites qui sont très inclinées, voire très excentriques. Donc la ceinture de Kuiper n'a pas gardé sa structure pristine, mais elle a été fortement chahutée par la dynamique du système solaire et notamment l'évolution des planètes, sauf une petite composante de la ceinture de Kuiper qu'on appelle la ceinture froide, dont fait partie Ultima Thule, qui elle est vraiment restée intouchée. Et donc c'est la seule structure du système solaire où on voit vraiment les objets tels qu'ils se sont formés sur les orbites, telles les orbites originelles sur lesquelles ils se sont formés. Et oui, allez, Alessandra, juste je précise une chose, on est donc à 40 unités astronomiques. Une unité astronomique, c'est la distance Terre-Soleil, ouais. Et Neptune est à 50 millions de kilomètres. Ouais. Et Neptune est à 28. Neptune est 30. 30, oui. 30 unités astronomiques, oui. Oui, mais en réalité... La ceinture de Kuiper démarre à 42. À 42. Alors, allez, Antonella Barucci. On ne s'arrête pas à 42, la ceinture de Kuiper, parce qu'il y en a beaucoup plus d'objets qui sont au-delà et qu'on ne voit pas vraiment. Donc, c'est celle qu'on appelle la ceinture diffusée. On ne l'appelle plus ceinture de Kuiper, mais ce sont toujours les objets transneptuniens et qui peuvent être vraiment très, très loin. Et c'est quelque chose qui est vraiment très important. On ne connaît pas les limites de nos systèmes solaires. On ne sait pas. On ne sait pas jusqu'où on va voir. Donc, il y a eu des premiers objets comme Sedna, qui était découvert quand on était tout près de la Terre, à 68 unités astronomiques, mais qui sont orbite, la partie la plus lointaine, quand il était à l'aphélie, donc les périhélies et l'aphélie d'une orbite elliptique. Périhélie, c'est plus proche, l'aphélie. Et l'aphélie, c'est plus loin. Mmh. C'était bien à 1000 unités astronomiques. Donc, vous voyez, c'est vraiment avec des formes très éloignées. Et la chance de les découvrir quand ils passent tout près, on n'arrive pas à voir ces objets quand ils sont à cette distance. Et donc, par exemple, si on regarde l'objet Gobelin qui était découvert le mois d'octobre dernier, il était découvert la même chose quand il était tout près. mais on présuppose qu'il arrive jusqu'à 2000 unités astronomiques. Donc en réalité, sur la base de cette découverte, on pense qu'il y a plus de 2 millions d'objets qui font partie de celles qu'on appelle inert, la nuage d'or à l'intérieur. Alors le nuage d'Oort qui est encore intérieur, voilà, qui n'est pas encore à 40 000 unités astronomiques, mais qui est un peu au milieu entre cette ceinture de Kuiper et la nuage d'Oort, mais ils sont tous les mêmes objets, hein. Ça veut dire, sont les sources des comètes qui sont, en plus, alors, c'est quelque chose que je voudrais aussi dire, ces objets, on les classe comme astéroïdes. Donc, ils sont classés dans la population des astéroïdes. Pour quelle raison? Parce qu'ils sont très loin. Quand on l'observe, ce sont des points, on ne voit pas leur activité. Donc, tous objets qui bougent dans les systèmes solaires, qui ne sont pas autour d'un planète et donc ne sont pas des satellites, on les classe comme astéroïdes si on ne voit pas leur activité, leur chevelure, et donc on ne peut pas les classer comme comètes. Mais tout ça, c'est une contre-indication, parce qu'en réalité, tous les comètes, ils viennent des objets transneptuniens, qui soient de la ceinture de Kuiper, qui soient de la nuage d'or, en fonction de leur orbite, etc. Donc, en réalité, comme vous voyez, c'est vraiment quelque chose qui c'est... Une continuité. Ils sont tous partie de ces objets qui ne sont pas formés dans une planète, qui font partie des planétissimaux de notre système solaire. Qui sont un peu les restes, les traces fossiles, formation du système solaire. Peut-être juste bien préciser que le nuage d'Oort, on est beaucoup, beaucoup plus loin, que c'est une sorte de nuage qui... je vais vous laisser le définir, d'ailleurs, ce sera mieux si vous le faites vous-même, Alessandro Morbidelli. Qu'on sépare bien tout de même la ceinture de Kuiper, même si c'est une continuité, comme vient de le dire Antonella Barucci, ce sont deux objets astronomiques un peu différents. Oui, alors donc, je peux faire une petite panoramique de la ceinture de Kuiper. Donc, comme je disais tout à l'heure, il y a quatre composantes à la population transneptunienne. Il y a la ceinture classique, ce sont des objets qui se trouvent entre 40 et 50 unités astronomiques, qui elle-même se divise en deux sous-populations. La population froide, qui a gardé les orbites circulaires et coplanaires d'origine, et une population chaude, qui a été fortement perturbée par les mouvements de Neptune, et se trouve donc aujourd'hui sur des orbites fortement inclinées, jusqu'à une quarantaine de degrés d'inclinaison par rapport au plan du système solaire. Après, il y a... Comme Pluton, par exemple. Non, pas du tout. Pluton. Pluton. Et il est aussi dans une résonance. Mais bon, on reviendra sur Pluton tout à l'heure. Il fait partie de la ceinture chaude à tous les effets. Après, il y a ce qu'on appelle les disques dispersés ou la ceinture diffuse, c'est deux synonymes. C'est des objets qui sont sur des orbites très elliptiques, vont très loin, comme Antonella l'a bien dit, mais qu'au périhélie, au point le plus proche du Soleil, passent assez près de Neptune pour avoir des rencontres proches avec Neptune, et donc leurs orbites est modifiée à chaque rencontre proche avec Neptune. Donc l'orbite n'est pas immuable et continue à changer à chaque fois qu'il y a une rencontre proche entre Neptune et ses objets. Et après, il y a une quatrième population, que moi j'aime bien appeler la population détachée, mais on peut aussi l'appeler les nuages d'Oort internes. Donc c'est des objets un peu comme ceux du disque dispersé, mais pour quelques raisons, on pense savoir laquelle, mais bon, l'excentricité de l'orbite de ces objets a décru un tout petit peu, donc leur distance périhélique est remontée, donc aujourd'hui, même au périhélie, ils ne passent pas suffisamment près de Neptune pour être fortement perturbés par les rencontres avec Neptune. Donc leurs orbites sont stables, leur orbite n'évolue pas. Et donc ces objets, on peut avoir des demi-grands axes, du millier d'unités astronomiques, plusieurs centaines d'unités astronomiques, Gobelins, Sedna font partie de cette population. Si on va encore plus loin, on voit les véritables nuages d'Oort. Donc sont des orbites, là aussi, suffisamment loin de Neptune pour ne pas être perturbés au périhélie. Mais donc les demi-grands axes, c'est plutôt de l'ordre de 20 000 unités astronomiques. Donc 20 fois plus que l'orbite de Sedna, l'orbite de Gobelins, etc. Ces nuages d'Oort est tellement loin du Soleil qu'il est presque aussi perturbé par les autres étoiles que par le Soleil lui-même. Et donc, il a perdu sa structure des disques, mais a plutôt une structure de nuages plus ou moins sphériques. Et alors, les comètes qu'on voit dans les systèmes solaires internes, c'est partagé en deux catégories, les comètes à courte période et les comètes à longue période. Les comètes à courte période viennent plutôt de la ceinture de Kuiper, et notamment de ces disques dispersés, ces disques diffus, et alors que les comètes à longue période viennent du nuage d'Oort. Et vu que le nuage d'Oort a une structure sphérique, les comètes de longue période arrivent de toutes les directions. Il y a autant comètes prograde que comètes rétrograde, alors que les comètes à courte période sont toutes prograde parce qu'elles viennent d'une ceinture, d'un disque et pas d'un nuage. Quelque chose à souligner, c'est que ces disques nuages d'or, en réalité, on ne peut pas voir les objets dans ces disques, ils sont trop loin. Donc, on a hypothisé sous la base simplement de tous les objets, de tous les comètes qui rentrent dans notre système solaire. Donc on voit bien ce gradient d'objets qui va... Alors on va se concentrer nous sur la ceinture de Kuiper de 40 unités astronomiques à plus de 20 000, donc on est vraiment effectivement très très très loin. Peut-être si tout de même une question, parce qu'on en avait parlé ici, il y a une autre ceinture qu'on connaît bien, qu'on peut observer beaucoup mieux parce qu'elle est beaucoup plus près de nous, c'est la ceinture d'astéroïdes qui est entre Mars et Jupiter. Est-ce qu'il y a des points communs entre la ceinture de Kuiper et la ceinture d'astéroïdes ou est-ce que ce sont deux objets radicalement différents, Antonella Barucci? Alors, d'un point de vue initialement, de tous ces c'était dans les définitions, les astéroïdes sont formés des roches, donc sont les objets, les planétissimaux qui ne sont pas arrivés à former une planète entre Mars et Jupiter. Et la ceinture de Kuiper, les objets transneptuniens, ces objets qui sont formés essentiellement des glaces, mais plus lointains, etc. Donc ça, c'était une première définition. Et au début, on connaissait simplement la ceinture des astéroïdes, la main belt, c'est ce qu'on appelle la ceinture d'astéroïdes. Donc en réalité, aujourd'hui, on arrive à découvrir aussi pas mal d'objets qui sont dans la ceinture principale d'astéroïdes avec de la glace. Et donc cette distinction, elle est plus si claire. On a des comètes, qui sont actives, on trouve de la glace beaucoup plus facilement en plein d'objets, et donc cette différence compositionnelle n'est pas si claire non plus. Alessandro Morbidelli, sur ce lien, ce parallélisme. Oui, mais tout ce qui a été dit est tout à fait correct. Je dirais que la grosse différence entre la ceinture d'astéroïdes et la ceinture de Kuiper, que la ceinture d'astéroïdes est vraiment ce qui reste d'une région qui a été très, très perturbée lors de la formation planétaire, et notamment la formation de Jupiter. Donc, on n'a pas du tout les orbites originelles. On a dans la ceinture des astéroïdes beaucoup d'objets qui se sont formés tout à fait ailleurs, qui ont été capturés là. C'est pour ça qu'il y a autant de diversité entre la nature physique de ces objets, parce qu'il vient un peu partout. C'est un peu la poubelle du système solaire, on l'appelle parfois entre nous. Et aussi très soumis aux collisions mutuelles. Donc c'est très difficile de voir des choses vraiment primitives dans la ceinture des astéroïdes. La distribution des tailles a été évoluée, modifiée par les collisions mutuelles, la forme des objets a été modifiée par les collisions mutuelles, etc. Donc c'est très intéressant la ceinture d'astéroïdes, on l'étudie toujours et je l'ai étudié pendant longtemps, mais c'est très difficile vraiment de remonter aux origines, en partant de la ceinture d'astéroïdes, à cause de cette grande évolution qu'il y a eu depuis. Et la ceinture de Kuiper, et notamment la ceinture froide, nous font vraiment les cadeaux de voir une structure, une ceinture qui est beaucoup plus originelle, parce que étant au-delà des dernières planètes, beaucoup moins chahutée que quelque chose qui est pris entre deux feux, entre Mars et Jupiter, évidemment, a été perturbé de tous les côtés. Et on va vous remettre le lien vers l'émission que nous avions consacrée justement à cette ceinture d'astéroïdes. Oui, Antonella Barucci. Oui, je voulais juste souligner quelque chose. Tout ce qui dit Alessandro, c'est tout à fait correct d'un point de vue dynamique, bien sûr. C'est vrai aussi d'un point de vue des structurations, les collisions. Il y en a beaucoup plus sur les astéroïdes qui est pas sous les ceintures de Kuiper, mais il y a toute une partie des compositions qui est très primitive, même dans la population des astéroïdes. Donc, on trouve du matériau extrêmement primitif dans la ceinture d'astéroïdes, aussi des astéroïdes qui sont très proches et qui passent tout proche de la Terre. Alors, on entend bien que... Nous font un cadeau, si je peux terminer. Les astéroïdes nous envoient des météorites. Et les météorites sont des morceaux d'astéroïdes, sont étudiés au laboratoire. Et les renseignements les plus fins, les plus précis sur la formation des objets, on les a par les biais des météorites. Malheureusement, on n'a pas des météorites qui viennent des comètes ou de la ceinture de Kuiper. Et donc, pour ces objets-là, on doit se contenter des images de New Horizons ou prise au télescope. Alors, on voit cette ceinture de Kuiper telle que vous la décrivez. On parle vraiment de la ceinture de Kuiper plutôt proche, hein, celle qui est entre 40 et 100 unités astronomiques. Vous disiez tout à l'heure, Antonella Barucci, qu'on imaginait peut-être, en tout cas, que le nombre d'objets se comptait en millions. Pourtant, New Horizon était affranchi Pluton il y a 3 ans et demi, et Ultima Thule est le seul objet la sonde a croisé. Donc ça veut dire que c'est quand même très très épars, cette ceinture de Kuiper. Oui, mais si on regarde les dimensions dans l'espace, même la population des astéroïdes qui est beaucoup plus dense, la distance est énorme. Donc la chance de trouver des objets qui sont exactement dans l'orbite de la sonde New Horizons, c'est pas si évident. En réalité, il y a la possibilité aussi que New Horizons puisse trouver encore un autre objet et si tout va bien vers les années 2020-21. Et ça, on va reparler tout à l'heure de New Horizon. Donc, du coup, on comprend qu'effectivement, c'est cet endroit lointain qui est un endroit fossile de la formation du système solaire. On a l'impression, est-ce qu'il y a un point commun entre tous ces objets dans toute la diversité Alessandro Morbidelli que vous avez décrite tout à l'heure? Et, par exemple, entre Ultima Thule et Pluton, il y a un point commun ou est-ce qu'il n'y en a plus aucun? Est-ce qu'il y a vraiment la diversité est immense? Est-ce qu'on a l'idée de l'ampleur de la diversité de ces objets qui composent la ceinture de Kuiper? Oui, il y a beaucoup de différences, beaucoup de diversité. Déjà, il y a des diversités qui sont simplement dues à la taille. Évidemment, encore que 2500 km de taille ne va pas évoluer de la même façon d'encore des 30 km. Encore des 30 km n'est froid et il développe jamais du chaleur endogène, donc il ne peut pas avoir une évolution morphologique importante. Alors, qu'un objet est très grand, il va se former, il va avoir une grande masse par rapport à sa surface, parce que la masse augmente comme les rayons en puissance 3 et la surface comme un rayon à la puissance 2. Donc, il garde beaucoup plus sa chaleur endogène qui est développée par l'accrétion et par la décroissance des éléments radioactifs. Cette chaleur endogène va modifier la structure du corps. On parle donc des corps qui sont partiellement différenciés au moins, donc ils ont peut-être un noyau des roches et un manteau qui est plutôt riche en glace. Cette chaleur permet aussi à certains éléments de sublimer, ensuite se recondenser à la surface. Donc on voit sur Pluton une géologie active, un peu comme celle des véritables planètes, en fait, alors que Ultima Thule, certainement, c'est encore froid, mort, depuis sa naissance, il est mort. Donc voilà, ça c'est une première différence. Après, même si aujourd'hui on voit ces objets plus ou moins à la même distance du Soleil, vers les 40 unités astronomiques, il se peut, il est probable qu'ils se soient formés à des distances différentes en fait. Ultima Thule s'est formé là où il est, mais Pluton a été poussé vers l'extérieur par les mouvements de Neptune. Donc initialement, vu que les objets sont formés à des distances différentes, il est possible que leur chimie de départ soit différente. Et les objets de la ceinture froide d'ailleurs sont très différents de tous les autres. Antonella est une grande experte sur ça. Ce sont les objets les plus rouges du système solaire et on ne trouve pas, par exemple, ces mêmes couleurs rouges, fort rouges, dans les autres composantes de la ceinture de Kuiper, ce qui nous fait penser justement que ce sont des objets qui se sont formés plus à l'intérieur et transportés vers l'extérieur par les mouvements de Neptune. Donc il y a certainement des différences, des diversités dues à l'endroit où les objets se sont formés, donc à la chimie qui était disponible dans les disques protoplanétaires, et aussi à l'évolution de l'objet lui-même. Et celle-ci est surtout une évolution qui est dominée par la taille de l'objet et donc la chaleur immagasinée dans l'objet lors de sa formation. J'allais y venir justement, ouais. Antonella Barucci, c'est vrai que l'une des surprises quand New Horizons a survolé Pluton, c'est que Pluton était 20% plus rouge que ce qu'on imaginait. Et là, Ultima Thule, à nouveau, d'un seul coup, on découvre un objet qui est rouge. Qui est très rouge. Donc en réalité, cet effet de trouver des objets si rouges, c'est probablement connecté à l'effet d'avoir ce qu'on appelle aussi le space weathering, qui est quelque chose que ces objets sont soumis à l'altération de l'espace. Donc il y a de l'irradiation cosmique. Le lavage de l'espace, space weathering, j'essaie de le traduire. Oui, quelque chose. Oui, c'est pas vraiment du lavage, mais c'est plutôt des effets dus à l'espace. Au milieu de l'espace, et donc il peut altérer ces objets. Alors en réalité, première chose, ces objets ils doivent être formés de glace. Bon, pour l'instant, on n'a eu que des images, donc Ultima Thule, on n'a que des images. Les données spectroscopiques, etc., ils arriveront petit à petit dans les prochains 20 mois. Donc il faudra 20 mois pour avoir des... Vous imaginez, normalement, il faut 6 heures pour une information pour arriver d'Ultima Thule. Et là, la sonde qui va de plus en plus loin, pour transmettre toutes les données, il aura besoin de 20 mois. Alors après... Oh, je pense qu'on peut jamais dire qu'un objet est mort, parce que si cet objet il passera et il change son orbite comme une comète et va venir à l'intérieur du système solaire, on verra une activité, parce qu'ils sont quand même formés des glaces. Donc, même si en apparence on voit des objets très très rouges, donc cette côté rouge, ça pourrait être une croûte qui s'est formée au-dessus. Et il y a beaucoup des objets transneptuniens qui sont observés, même avec les techniques les plus puissantes qu'on a à disposition aujourd'hui. On ne voit pas leur composition intrinsèque, parce qu'on voit simplement la surface. Donc, on n'arrive pas à perforer, à savoir qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de cet objet. Mais il y a des hypothèses pour cette couleur rouge qu'on retrouve justement sur ces objets, sans doute, la ceinture froide. On pense que ça peut être du méthanol, de l'éthylène, tous ces matériaux qui sont probablement partie des composants de ces objets, ils sont très rouges. Mais comme je disais, c'est dû aussi à l'altération du méthane, de l'hydrogène, des composants des bases des glaces qui sont sous la présence de ces objets. Take a ride through the solar system. Pick a star, hope it fits in your pocket. Whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, yeah. You know they love you, but you just don't fit in. You're swinging punches, boxing shadows off sockets. Whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, yeah. You dance like Marilyn Monroe. Juliet, where's your Romeo? Whoa. And they're pushing you, pulling you, stretching you. They're somehow sucking the life out of you. You're begging them, please, to stop. Stop. If I could, I would buy you 100,000 stars, put them all in your pocket for those rainy days. Oh, oh, oh, yeah. You need the bitter so the sweet taste sweeter. Sweeter still, sweetness always follows those rainy days. Oh, oh, oh, yeah. He dances like Elvis Presley. Juliet, he's no Romeo. No, no. And they're pushing you, pulling you, stretching you. They're somehow sucking the life out of you. You're begging them, please, to stop. Stop. And they're mocking and poking fun at you. And they're laughing but at you, not with you. You're begging them, please, to stop. Stop and stop. Stop and stop. Stop. Solar System des Parlotones sur France Culture à 16h30, puisque nous parlons des confins de notre système solaire. Nous parlons de la ceinture de Kuiper tout au long de cette heure avec Antonella Barucci, qui est astrophysicienne de l'ESIA, le laboratoire d'études spatiales d'instrumentation en astrophysique à l'Observatoire de Paris, et en duplex depuis les studios de nos camarades de France Bleu à Nice avec Alessandro Morbidelli, qui est directeur de recherche CNRS au laboratoire Joseph-Louis Lagrange à l'Observatoire Nice Côte d'Azur. Alors, on l'a entendu, hein, la ceinture de Kuiper a ceci de particulier, que la diversité des objets qu'elle recèle ne cesse de surprendre les astronomes. La preuve, en 2005, une nouvelle fois avec Oméa. Bonjour Antoine Beauchamp. Bonjour Nicolas, bonjour à toutes, bonjour à tous. Oméa, qui est une planète naine, hein, comme Pluton, mais qui est une planète naine très très particulière. Oui, très particulière, puisqu'elle a une forme de cigare. Mais c'est pas tout, puisque en 2017, une équipe européenne d'astronomes a pu observer qu'Aouméa, du nom de la déesse hawaïenne de la fertilité et de la naissance, possédait un anneau. Bruno Sicardi est astronome à l'Observatoire de Paris et il faisait partie de l'équipe qui a fait cette découverte, notamment grâce à l'observation du passage d'Aouméa devant une étoile. Il nous explique pourquoi l'observation d'un anneau autour d'une planète naine était une vraie surprise, et il nous raconte également les autres découvertes réalisées pour cette planète naine de la ceinture de Kuiper. Alors actuellement, Aouméa se trouve à peu près 50 unités astronomiques, sachant que l'unité astronomique, c'est la distance Terre-Soleil. Et pour donner une idée, Pluton se trouve actuellement à 32 unités astronomiques. Une deuxième chose, c'est alors très particulière d'Aouméa, c'est que c'est un corps extrêmement allongé. Alors ça, c'est quelque chose d'assez spectaculaire. C'est en fait un cigare. Et il se trouve que depuis qu'on a observé un phénomène qui s'appelle l'occultation stellaire, on a mesuré avec précision ce cigare et on s'est aperçu que le grand axe du cigare, la dimension la plus grande, est en fait un peu plus grande que Pluton. Et une autre chose particulière de Aouméa, c'est qu'il tourne très vite sur lui-même. C'est un des rotateurs les plus rapides qu'on connaisse dans le système solaire, puisqu'il met moins de 4 heures pour tourner sur lui-même. Donc le fait que ça soit allongé et le fait qu'il y ait une rotation très rapide montre probablement qu'il a une histoire assez mouvementée, en particulier une collision qu'il a cassée, qui a fait tourner rapidement le débris qui est resté, le corps qui est resté, et que ce corps tournant rapidement a réaccrété du matériau suite à cette collision, mais à cause de cette rotation rapide suite à cette collision, et par des forces centrifuges, le corps est resté allongé. Il y a un autre élément que vous avez découvert, c'est que Haumea a un anneau. Alors pourquoi c'est une grande surprise ? Alors ça fait presque 2 ans, c'était en 17 janvier 2017. Nous avons observé depuis l'Europe, différents pays européens, et il y a une campagne suite au fait que Haumea allait passer devant une étoile, et donc la cacher, on appelle cela une occultation stellaire. Si on se place à différents endroits sur Terre, chacun des observateurs va voir l'étoile disparaître pendant un temps différent. Et donc il y a eu une quinzaine d'observations, dont une douzaine ont été positives, c'est-à-dire que les gens ont vu l'étoile disparaître et réapparaître. Et en reconstituant ces apparitions et ces disparitions, on a vu que le corps est allongé, donc ça on le savait déjà, mais les dimensions ont été données de manière beaucoup plus précise. Et en plus, alors la grosse surprise, c'est que quand on regarde les courbes de lumière, c'est-à-dire comment l'étoile a varié, donc elle a disparu derrière Haumea à un moment donné, on a vu des petites variations de l'éclat de l'étoile avant et après l'occultation principale par le corps. Et quand on reprojette tout ça dans le ciel, on voit que ces points de disparition par rapport au corps central se distribuent le long d'une ellipse qu'on a interprétée comme du matériau. Ce qui fait que la conclusion qui a été la seule qui est restée, même si c'était une conclusion un peu surprenante, c'est qu'Haumea est entouré d'un anneau. Pourquoi c'était surprenant, justement ? Alors, jusqu'en 2013, en fait, on connaissait des anneaux qu'autour des planètes géantes, c'est-à-dire les anneaux de Saturne, bien sûr, mais également Uranus, Neptune, Jupiter. C'était tellement incroyable que personne n'avait jamais même évoqué la présence d'anneaux autour de petites planètes ou même d'astéroïdes. Et en 2013, donc, nous avions organisé l'observation d'une occultation par un autre corps qui est plus près, mais qui est également un corps transneptunien qui se promène actuellement entre Uranus et Saturne, qui s'appelle Chariclos, qui est plus petit, bon, qui est à peu près 5 fois plus petit que Haumea. Et au cours de ce même type d'événement, c'est-à-dire une occultation stellaire observée d'Amérique du Sud, on avait noté la présence d'événements autour de l'occultation principale, et c'était la première fois qu'on voyait un anneau, dans ce cas-là deux anneaux en fait, fins, qui entouraient cet objet qui s'appelle Chariclos, qui est une sorte de gros astéroïde en fait. Et donc c'est la première fois dans le système solaire qu'on observe un anneau dense, ou un anneau même tout court en fait, et dans ce cas-là deux anneaux autour d'un tout petit corps. Alors ça c'est, on a parlé donc de la principale découverte, de la découverte en tout cas qui a été beaucoup mise en avant, celle de la présence d'un anneau autour d'Haumea. Il y a une autre découverte qui est pas moins surprenante, c'est une découverte autour de la densité d'Haumea. Alors, en quoi a consisté cette découverte ? Alors, la densité nous renseigne sur la structure interne et en particulier la composition. La Terre a une densité de 5 fois et demi la densité de l'eau, et qui reflète le fait qu'il y a des rochers et au cœur de la Terre, il y a du fer ou des métaux qui sont lourds, donc qui permettent d'augmenter la densité. La taille qu'on estimait auparavant pour Haumea, c'était plutôt de 2,5 fois la densité de l'eau, donc c'était plutôt des rochers avec de la glace. Et nos mesures ont montré, donc, ont donné la taille, donc le volume de Haumea, et donc sa densité qui est de l'ordre de 1,8. Ce qui signifie ? Alors, ce qui signifie que c'est plus riche en glace qu'on imaginait auparavant, et qui pose une autre question intéressante, c'est que on peut calculer théoriquement la densité que doit avoir un corps comme Haumea pour obtenir cette forme de cigare. Et s'il est plastique et formé d'un matériau, disons, pas fluide, mais au moins plastique, il se met à ce qu'on appelle un équilibre hydrostatique. Donc la forme de l'objet, donc cette forme de cigare, est liée à sa rotation, donc il est d'autant plus allongé que le corps tourne rapidement, mais également liée à sa densité. Et si on applique ce calcul à la forme donnée par l'occultation, on voit que ça devrait être une densité de plus de 2 en fait, 2,5 même. Mais les lois de la mécanique céleste sont telles que ça peut pas être le cas puisqu'on a justement la masse. Et donc on est arrivé à 1,8. Donc ça veut dire une chose intéressante, c'est que soit Ouméa n'est pas en équilibre hydrostatique, donc c'est déjà une déformation, donc c'est de la glace mais qui est solide, qui est suffisamment solide pour pas se déformer, soit plus probablement que c'est pas encore homogène, puisque ces calculs d'allongement vis-à-vis donc de la densité supposent que c'est un mélange homogène de glace et de rocher. Donc la conclusion pour l'instant, je pense, c'est qu'Ouméa a un cœur assez plus dense de rochers et qu'il est entouré d'une enveloppe de glace et que cette forme de cigare ne s'applique qu'à la partie de glace et que le corps central compact, lui, est plus sphérique. Le cas d'Ouméa est intéressant puisqu'il pourrait nous indiquer ce qui s'est passé dans le système solaire primordial et en particulier les collisions qui ont lieu et à quel moment elles ont lieu. Est-ce que c'est récent? Est-ce que c'est ancien? Donc si c'est ancien, ça veut dire des choses. Si c'est récent, ça veut dire d'autres choses. Donc si on veut réécrire les scénarios collisionnels, en tout cas, de cette zone à l'extérieur du système solaire, ces corps qui ont des fortes indications d'avoir subi donc, des collisions peuvent nous dire et nous contraindre en particulier l'histoire du système solaire. Voilà cet étrange objet, un autre étrange objet de cette ceinture de Kuiper, la planète naine Ouméa, en forme allongée de cigare. Alors cigare, il faut avoir l'imagination un peu fertile, ça ressemble quand même plus à un planétoïde qu'à un cigare, mais avec un anneau, peut-être une réaction l'un et l'autre à ce que vous venez d'entendre, Antonio Barucci. Alors, une chose qui est aussi très importante et commentée sur Ouméa, que c'est l'objet qui a une albédo les plus élevées. Albédo, c'est la réflexion. Voilà, albédo, c'est la réflexion de la lumière du soleil. Donc, c'est pour vous donner une idée, zéro, c'est un objet qui ne reflète pas, noir, complètement, très sombre. Et un, c'est un miroir, une glace, c'est vraiment toute la réflexion complète, au 100%. Et cet objet, il a une réflexion à peu près de 0,85, 90, donc c'est vraiment très haut. Donc, c'est un objet qui est formé des glaces. Et sous cet objet, il y a aussi toute une partie d'objets tout proches, d'un point de vue dynamique, qui faisait penser que c'était une famille d'objets et qui venait de la surface de cet objet, donc, et où on voit vraiment la glace d'eau, en plus on la voit à l'état cristalline, etc., qu'on voit pas sous les autres objets. Donc, comme on vous disait tout à l'heure, la majorité d'objets, ils sont rouges, on voit pas la glace. Ouméa et sa famille d'objets sont les seuls pour lesquels on voit la glace et ils ont cette réflectance très élevée qui prouve qu'il y a une glace à l'état très propre aussi, qui n'est pas altérée et donc aussi une surface plus jeune. Donc c'est un objet très intéressant parce que d'un côté il y a une surface très jeune, de l'autre côté on a tous les anneaux, cette information d'intérieur qu'on ne connaît pas, qu'on ne sait pas, et donc ça peut nous aider quand même à faire des hypothèses, essayer de comprendre les mécanismes qui ont apporté à la situation présente. On va en faire quelques hypothèses dans un instant. Je voudrais juste la réaction d'Alessandro Morbidelli justement sur cet objet si particulier à Ouméa. Oui, ce qui est très intéressant pour moi est que Ouméa montre sans aucun doute que cet objet a subi des collisions même violentes. Donc tout à l'heure, on parlait un peu des collisions, on disait que la ceinture d'astéroïdes a subi beaucoup de collisions, la ceinture de Kuiper beaucoup moins. Encore une fois, la ceinture de Kuiper est faite par plusieurs composantes. Ouméa, comme Pluton, font partie de la ceinture chaude. Cette population-là a évolué collisionnellement, parce que c'est formé beaucoup plus à l'intérieur. Il y avait beaucoup d'objets au départ. Ces objets ont été repoussés par les mouvements de Neptune. Dans ce processus, il y a eu beaucoup de collisions. Et la ceinture froide est celle que, en revanche, a subi beaucoup, beaucoup moins de collisions. Et on le sait parce que dans la ceinture froide, il y a beaucoup de binaires, donc d'objets qui tournent l'un autour de l'autre, à assez grande distance. Et si ces corps-là avaient subi des collisions, les satellites seraient perdus dans l'espace au lieu de continuer à tourner autour de l'objet primaire. Donc on a vraiment dans la ceinture de Kuiper différentes populations avec une histoire dynamique et collisionnelle très différente, et ce qui rend ces laboratoires magnifiques parce que du coup on peut comparer les propriétés des corps qui n'ont pas subi des collisions avec des corps qui ont subi des collisions et comprendre beaucoup de choses. Un dernier mot avant justement d'aller sur les hypothèses et la formation, mais vraiment très très rapidement, parce que je pense que ce sera utile pour éclairer justement un certain nombre d'hypothèses dont on n'a pas parlé, dont je voulais parler, c'était ce qu'on appelle la falaise de Kuiper, c'est-à-dire cette frontière à 48 unités astronomiques où la ceinture de Kuiper proche, en fait, c'est la ceinture de Kuiper classique, pardon, excusez-moi, elle est comprise entre des résonances orbitales qui sont liées à celles de Neptune, c'est-à-dire 2 sur 3 et 1 sur 2, et ça explique aussi un peu du coup la structure de cette ceinture de Kuiper, Antonella Barucci. Oui, donc il y a cette limite due à l'effet des autres planètes, mais après il y a plein d'autres objets qui sont au dehors. Donc on a cette diminution d'objets autour des à peu près 48-50 unités astronomiques, donc vraiment comme une chute, mais il y en a encore beaucoup d'autres qui ont des propriétés dynamiques très différentes et qu'on connaît quand même mal, très mal, parce qu'ils sont de plus en plus lointains. Alors Alessandro Morbidelli, cette ceinture... Les objets qui vont au-delà des 48 unités astronomiques sont sur des orbites très excentriques, donc sont des objets qui ont été expulsés au-delà. C'est les objets sur des orbites quasi-circulaires qui s'arrêtent à 48 unités astronomiques, il n'y en a pas au-delà. Donc ça veut dire que dans les systèmes planétaires, en fait, au-delà des 48 unités astronomiques, il n'y a pas de planétésimaux qui se sont formés. Entre 48 et 30, il y a des planétésimaux qui se sont formés, mais pas beaucoup. Et c'est pour cette raison que la ceinture de Kuiper a une masse qui est vraiment très très petite. Si on met tous les objets de la ceinture froide, ça ne fait même pas la masse de la Lune. Et à l'intérieur des 30 unités astronomiques, la formation des planétésimaux était beaucoup plus efficace et la population totale des planétésimaux devait contenir plusieurs dizaines de masses terrestres. Et encore plus à l'intérieur, vers les 10 unités astronomiques, il y avait tellement de masse que ça a permis de former les noyaux des planètes géantes. Donc il y a tout un gradient, hein. Plus on s'éloigne du Soleil, moins il y a de la masse à disposition et plus c'est difficile de faire, ne fût-ce que des petits corps. Et donc ces contrastes des masses aussi nous renseignent beaucoup sur comment les objets, les poussières ont donné origine à des objets intermédiaires, les planétésimaux, et in fine les planétésimaux, les planètes. Mais alors Alessandro Morbidelli, racontez-nous, qu'est-ce qu'elle est devenue cette masse manquante? C'est 99,9% de masse qui manque à la ceinture de Kuiper, et ils sont passés où? Mais ils ont été expulsés lors du changement orbital des planètes géantes. Donc, les planètes géantes, quand elles se sont formées, elles se sont formées dans un disque circumsolaire, des gaz et des poussières. Les planètes géantes se sont formées quand il y avait encore du gaz autour du Soleil, et c'est pour ça que dans leur atmosphère, il y a beaucoup d'hydrogène et d'hélium. Et suite de leur interaction gravitationnelle avec ces disques, les systèmes des planètes géantes devaient avoir... doit avoir migré pour acquérir une configuration qui est beaucoup plus compacte avec les planètes beaucoup plus proches les unes des autres, probablement entre 5 et 12 unités astronomiques, des orbites circulaires, coplanaires et résonantes. Ça veut dire que les rapports entre les périodes orbitales étaient des rapports de nombres entiers. Par exemple, Saturne faisait 3 tours autour du Soleil alors que Jupiter en faisait 2. Non, pardon, l'inverse. Saturne faisait 2 tours autour du Soleil alors que Jupiter en faisait 3. C'est ça. Voilà. Au-delà de Neptune, donc au-delà d'une douzaine d'unités astronomiques, il y avait un disque des petits corps assez massif, de l'ordre d'une vingtaine de masses terrestres, jusqu'à 30 unités astronomiques. Et les systèmes des planètes géantes est devenu instable à la disparition du gaz. Et les planètes, donc, ont eu des rencontres proches, se sont séparées entre elles, ont brisé cette chaîne de résonance qu'elles avaient au départ. Et dans ces mouvements, tous ces corps situés entre 15 unités astronomiques et 30 unités astronomiques ont été éparpillés partout. Alors, environ, beaucoup ont été expulsés du système solaire. Selon les modèles, environ 5-7% se trouvent piégés dans les nuages de Oort. 1% se trouve piégé dans les disques diffus ou dispersés, 1 sur 1000 dans la ceinture chaude. Et tout le reste est mort, parti dans l'espace interstellaire, que nous savons être plein d'objets. D'ailleurs, on vient d'en voir un, Oumuamua. C'est le premier objet, la première comète extrasolaire qui passe à l'intérieur du système solaire en venant de l'espace interstellaire. C'est extraordinaire. Notre Soleil a contribué à la population des Oumuamua en éjectant quelque chose comme 20 masses terrestres des matériaux. C'est ce que vous venez de décrire, c'est le modèle que vous avez proposé, Alessandro Morbidelli, qu'on appelle le modèle de Nice, dont on avait parlé d'ailleurs sur la formation. Oui, c'est ça, du modèle système de Nice, solaire. Né à Nice en 2005, d'où les noms. Puis ça continue à évoluer parce qu'au fur et à mesure qu'on sait plus, du point de vue observationnel, du point de vue théorique, le modèle devient plus sophistiqué. Disons, le modèle, dans sa version plus récente, voit aussi d'autres acteurs dans son développement qui ne sont pas à Nice, notamment David Nesmorny de l'Université Colorado, qui a fait vraiment des calculs exceptionnels. Et aujourd'hui, je dirais, il est très bien établi dans la communauté parce qu'il permet d'expliquer très bien la structure qu'on observe dans la ceinture de Kuiper, les Troyens, des groupes d'objets qui partagent la même orbite que Jupiter ou que Neptune, les satellites distants des quatre planètes géantes. Donc, explique de façon quantitative beaucoup des propriétés observées du système solaire. A fait des prédictions qui ont été confirmées, notamment par la mission Rosetta. Donc, aujourd'hui, c'est le modèle de référence sur l'évolution du système solaire, au moins après la disparition du gaz du voisinage solaire. Ce qu'on ne connaît pas encore très bien, et c'est quand les planètes géantes ont décidé brutalement d'échanger leurs orbites. On sait que ça doit être dans les premiers 100 millions d'années après la disparition du gaz, mais on ne sait pas très bien si c'est quelques millions d'années après la disparition du gaz, 10 millions d'années ou 100 millions d'années. Donc là, la recherche continue, et pour le moment, on n'a pas des données assez fiables pour statuer sur ça. Et alors du coup, Antonella Barucci, ces objets que l'on observe, que l'on apprend à connaître de plus en plus, vous le disiez tout à l'heure, hein, les données sur Ultima Thule vont mettre 20 mois à arriver parce que cette petite sonde New Horizons, si loin, elle communique très très lentement et il y a 7 gigaoctets de données à envoyer jusqu'à la Terre et ça prend beaucoup beaucoup de temps. Mais du coup, qu'est-ce que ça peut nous apprendre précisément sur la structure, sur la formation, comment ça peut confirmer le modèle de Nice, comment est-ce que ça peut l'enrichir aussi? Qu'est-ce que ça nous dit finalement sur nous? D'abord, les modèles de Nice, c'était un modèle qui était génial parce que vraiment, pour la première fois, il nous a permis d'avoir une idée sur cette formation du système solaire pour lesquels on a encore beaucoup de points d'interrogation quand même, comme disait notre collègue Alessandro. Donc, des fois, on a besoin des contraintes, on a besoin des informations pour savoir pourquoi il y a cette composition, pourquoi il y a ces phénomènes, comme par exemple la découverte des anneaux sur Haumea. Et donc, tout l'ensemble de ces données, ça porte à perfectionner, essayer de comprendre. Donc, on a une vision assez claire, grâce aussi à l'exoplanète, à la formation d'exoplanètes, parce qu'en regardant des exoplanètes très loin, au-dehors de notre système solaire, on a des informations sur l'évolution. On peut voir des systèmes planétaires en formation. Donc, ça peut apporter beaucoup d'informations. Et on se rend compte d'ailleurs que notre système à nous est très atypique, par ailleurs, quand on découvre les autres systèmes, ou en tout cas ce qu'on en voit pour le moment. Mais chacun est différent. Donc, on voit aussi des étapes différentes de l'histoire du système. Donc, on voit des systèmes qui sont en formation, des systèmes qui sont plus évolués, etc. Donc, chaque input, ça nous donne des informations en plus, on peut essayer de comprendre. La chose qui est quand même importante, c'est qu'on a eu plein d'informations, plein de découvertes, mais on a encore beaucoup de points d'interrogation et on continue à faire des découvertes tout le temps. Et donc, cette information sur la composition d'Ultima Thule, ça prouvera un certain sens comment ils sont formés, qu'est-ce que c'est cet objet qui est si loin, et quelles sont les informations sur sa composition, est-ce qu'il y a eu cette migration des planètes qui a fait déplacer ces objets, mais de toute façon, des objets si lointains, ils sont formés essentiellement des glaces, mais est-ce qu'il y a des autres composants qu'on n'arrive pas à savoir? Mais il y a tout à découvrir encore. Hein. Donc, moi, je suis vraiment en attendant toutes les nouvelles informations pour essayer d'avoir une vision plus complète de ces tableaux qui est notre système solaire, qui est encore si fascinant et si difficile à comprendre. Et on va vous mettre le lien, parce qu'on avait fait une émission entière justement sur les origines du système solaire, sur les différents modèles. On parle du modèle de Nice, on a parlé du Grand Hack aussi, tout ça. On avait passé une heure dessus, parce que c'est absolument passionnant et il y a beaucoup d'hypothèses encore à ce sujet. Peut-être un mot aussi à Alessandro Morbidelli. Il y a quelque chose dont on avait parlé également à ce micro, qui reste un point d'interrogation important. Et l'observation au mois d'octobre de Far Out, qui est aussi un objet très lointain, hein, qui est au-delà, je crois, de 100 ou de 1000 unités astronomiques, je vais parler sur 1000. Je crois que c'est hypothétisé, parce qu'en réalité, oui. C'est l'objet le plus distant qui a été détecté aujourd'hui du sol. Mais on ne connaît pas encore son orbite. Parce que c'est trop, c'est très très lent. Suffisamment de précision. En réalité, il a été découvert à 120 unités astronomiques. Voilà, c'est ça. Mais on ne sait pas. Au moment qu'ils sont des objets avec une très grande excentricité, on ne sait pas quelle est vraiment l'orbite de cet objet. Du coup, on ne sait pas, par exemple, s'il fait partie du disque dispersé ou du nuage de Oort interne, comme Sedna ou au Gobelin. Mais j'ai cru comprendre que ce que l'on sait, c'est-à-dire le peu de choses que l'on sait de cet objet qu'on a observé à la fin de l'année dernière, viendrait rajouter un petit caillou dans le jardin d'une éventuelle neuvième planète, avec cette fameuse planète X que l'on cherche, que l'on ne voit pas, qui pourrait expliquer justement l'orbite d'un certain nombre d'objets de cette ceinture de Kuiper, Alessandro Morbidelli. Ouais. Donc, pour Far Out, c'est encore un peu prématuré, parce que vu qu'on ne connaît pas l'orbite, c'est un peu difficile de dire. Mais il y a des objets pour lesquels on connaît bien l'orbite, qui sont du disque détaché ou du nuage de Oort interne, comme on veut, ce synonyme, comme Sedna, Gobelin, etc. Et on en connaît une douzaine à peu près de ces objets. Et on voit que les orbites de ces objets sont grosso modo alignées entre elles. Et ça, c'est étonnant, parce qu'en principe, il devrait avoir à peu près toutes les orientations admissibles dans l'espace. Alors, le fait qu'il soit aligné suggère qu'il y a quelque chose qui les a mis sur des orbites alignées et qui les garde sur des orbites alignées. Parce que les orbites, en fait, ne restent pas fixes autour du Soleil, mais sont l'orbite elle-même est en rotation autour du Soleil. C'est ce qu'on appelle les mouvements des précessions. Donc, l'objet tourne autour du Soleil sur l'orbite, sur une période qui, pour ces objets-là, c'est de l'ordre de 10 000 ans, mais l'orbite tourne elle-même autour du Soleil sur des périodes qui sont de plusieurs millions d'années. Et ces périodes diffèrent normalement d'une orbite à l'autre. Donc même si les orbites sont alignées aujourd'hui, elles ne devraient pas être alignées d'ici un million d'années ou être alignées d'un million d'années, il y a un million d'années. Donc si on voit un alignement orbital, il doit y avoir quelque chose qui verrouille ces mouvements de précession des orbites. Et la meilleure hypothèse serait l'existence d'une planète. Et donc c'était proposé en 2016 par les collègues du Caltech, Batygin et Brown. Au départ, ils pensaient plutôt une planète de l'ordre d'une quinzaine de masses terrestres. Aujourd'hui, ils pensent plutôt une planète de l'ordre de 7 masses terrestres. Il y a eu beaucoup plus de simulations entre-temps pour voir quelle est la meilleure planète pour créer ce confinement orbital. Mais bon, tout ça se base quand même seulement sur une douzaine d'objets. Alors ça a l'air d'être statistiquement robuste, mais bon, les statistiques peuvent jouer aussi des sacrés pièges. Donc on attend de découvrir plus d'objets, ce qui aura lieu sans doute avec la mise en service du télescope LSST, pour voir si c'est vraiment vrai qu'il y a une anomalie dans la distribution des orbites des objets plus lointains ou pas. S'il y a une anomalie, probablement il y a une planète. Et donc, maintenant, il faut découvrir la planète. Alors justement, mais c'est parfait, ouais. Pour conclure, comment est-ce que vous venez de parler de l'observatoire LSST, LSST, comment est-ce qu'on va, quelles sont les prochaines informations qu'on va obtenir sur cette ceinture de Kuiper, Antonella Barocci? La chose que je voudrais aussi souligner, c'est que ces objets, ils ont des orbites, plus en loin, ils ont des orbites très très longues. Par exemple, ces gobelins, ils mettaient 32 000 ans pour faire les tours, au Sedna, 10 000 années pour faire les tours autour du Soleil. Donc si vous imaginez qu'on arrive à les découvrir seulement quand ils sont tout près du Soleil et on n'arrive pas, et on ne les connaît pas, on ne peut pas les détecter quand ils sont loin, imaginez quand même les nombres d'objets qui doivent exister vu la probabilité pour lesquelles on arrive à découvrir, donc vu aussi les limites des télescopes et les dimensions. Donc je pense que tous ces nouveaux télescopes, nouvelles techniques, ils vont quand même ouvrir beaucoup plus d'informations sur la découverte et les nombres de ces types d'objets. Donc, Alessandro Morbidelli, SST, New Horizon, peut-être aussi, il y a un point d'interrogation sur sa faculté à recroiser un autre objet transneptunien, on ne sait pas trop. Ben déjà, il faut trouver un objet sur sa route, oui, c'est ça. De plus en plus improbable. Oui. Et c'est pas facile aussi parce que New Horizon est en plein dans la Voie lactée, parce que là, Pluton se trouvait dans la Voie lactée. Et dans la Voie lactée, c'est pas facile de découvrir des objets parce qu'il y a plein d'étoiles. Et quand on fait les observations, on est complètement aveuglé par les étoiles. Donc c'est très très difficile de trouver des objets sur la route de New Horizon. New Horizon, il n'y a pas beaucoup de marge de manœuvre, hein, il va tout droit. Et il n'y a plus beaucoup d'énergie pour changer son trajectoire. Donc soit on a de la chance, on va trouver un objet qui passe vraiment très très proche de la trajectoire de New Horizon. Alors on peut faire une petite déflexion, aller le voir, sinon on peut rien faire. Donc moi je suis un peu pessimiste du fait qu'on reverra un autre objet encore. Mais bon, peut-être, c'est toujours bon à espérer. De toute façon, l'équipe de New Horizon, il est en train de tout la mettre pour essayer d'avoir même une autre rencontre. Et puis surtout, dans 20 mois, on aura beaucoup plus de détails sur Ultimatulé. On pourra refaire une émission uniquement sur Ultimatulé. Une fois qu'on aura les données, qu'elles auront été analysées, ça va prendre un peu de temps. Mais en tout cas, on sera là pour examiner ça. Merci beaucoup à tous les deux. Merci Antonella Barucci. Oui. Merci beaucoup Alessandro Morbidelli d'avoir été avec nous pour parler de la ceinture de Kuiper. Merci à nos camarades de France Bleu Azur à Nice pour le duplex. Merci à toute l'équipe de la méthode scientifique. Eve Etienne, Antoine Beauchamp, Eléonore Pérez, Céline Lozen, Noémie Naguette, Saint-Vulfran, Olivier Bétard à la réalisation et dis-le à la technique. Dans le prochain épisode de la méthode scientifique, demain, nous plongerons dans le cœur de vos ordinateurs pour essayer de comprendre jusqu'où on peut amener la loi de Moore, cette loi qui prévoyait l'augmentation linéaire de la puissance du calcul, mais jusqu'à quel point et quelle place dans cette loi pour l'ordinateur quantique. On en parle demain à 16h jusqu'à preuve du contraire.